Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette émission spéciale de Rock de Neurones, émission spéciale estivale consacrée au rock progressif contemporain, notamment du côté italien. Alors, ça fait suite à l'émission qu'on a eue la semaine dernière, qui était plutôt axée sur le rock progressif italien des années 70. Petite parenthèse ici, ceux qui ont manqué l'émission peuvent l'écouter en consultant le site web archive.org et vous avez dans la barre de recherche qu'à écrire Rock de Neurones et vous aurez accès à près de 90 émissions archivées, dont la plus récente qui, la semaine dernière, qui était sur le rock progressif italien des années 70. Alors, ces émissions spéciales ont été préparées suite à la demande de deux auditeurs de Bécancourt, j'ai nommé Julie Couette et Johnny Couture, son conjoint, que j'ai rencontré à spectacle Terra Incognita, le festival Terra Incognita à Québec au mois de mai, et après la présentation du groupe Il Paradiso degli Orchi, on s'est réunis et on jasait, on se demandait, en fait, Julie et Johnny me demandaient comment aborder le rock progressif italien si on est un non-initié. Alors, c'est sûr que depuis 50 ans, le rock progressif italien a proposé une multitude d'albums. Il y a eu plus de 1200 groupes qui se sont lancés dans la composition. Et on a eu des albums, plusieurs milliers d'albums. Et j'ai dit, la meilleure façon de se sensibiliser ou de s'initier à cet art-là, ben, c'est d'en écouter. Alors, c'est comme si je vous invitais dans mon salon pour vous faire écouter ce que j'ai. Et ce que j'ai, ben, aujourd'hui, on va aller avec Fabio Zuffenti, entre autres, et la Maschera di Sera. On aura The Watch, The Night Watch, Il Tempio delle Clessidre, Panther and Company, The Alex Carpani Band, Mad Crayon, Camellia's Garden, Logos et Gran Turismo Veloce. Ça, c'est un échantillonnage assez restreint quand même, si on regarde la palette des groupes italiens des années 2000. Il y en a plusieurs centaines et je pense que ça ne sera pas suffisant aujourd'hui pour se faire une idée assez précise du genre. C'est pour ça que je vais faire une autre émission dans quelques semaines. Je vais l'annoncer sur la page Facebook de Rock de Neurones. Vous n'avez qu'à surveiller ça et on va se donner un autre rendez-vous probablement au début d'août. Alors, on va débuter le bloc avec Fabio Zuffenti. Fabio Zuffenti, que je considère comme étant l'architecte du rock progressif italien contemporain, avec sa participation à une multitude de groupes qu'il a créés, entre autres Finistère, on a eu Ariès au début, on a eu Ossonaten, la Maschera di Sera, il y a eu la Curva di Lesmo, et son œuvre ou son projet le plus immédiat, mais c'est Ossonaten, qu'on a aussi vu au festival Terra Incognita au mois de mai. Et Fabio Zuffenti, qui, je pense que c'est le noyau dur de toute une pléiade de planètes italiennes, parce qu'il touche à peu près à tout, notamment les plus récents groupes comme Crista d'Oro. Je pense aussi qu'il a parrainé Il Paradiso degli Orchi et beaucoup d'autres. Alors, on peut dire que c'est avec lui. Alors, il mérite la première pièce. Alors, on va entendre la Certezza Impossibile. Et ça, c'est extrait de la Quarta Vittima, qui est le sixième album de sa production solo. Ça, c'est paru en 2014, sauf erreur. Ça va être suivi par un autre groupe auquel participe Fabio Zuffenti, et c'est la Maschera di Sera. Et on va entendre un extrait du dernier album qui est paru en 2013, La Portée del Domine. Ça, c'est le cinquième album, le premier étant paru en 2002. C'est un groupe qui est dissous, mais c'est sûr qu'il a été bien remplacé par la Curva di Lesmo et Ossonaten plus courant. En fait, on peut entendre ça dans les... Je pense qu'en termes de spectacle, Ossonaten, c'est un des rares spectacles qu'il a donné, mais je pense qu'il y a un album qui s'en vient bientôt. Alors, la Maschera di Sera, on va entendre Ritorno dal Nulla, et ça, c'est extrait de La Portée del Domani, et nous aurons en fin de bloc Un autre groupe assez connu d'Italie, The Watch, avec Simone Rossetti, qui est un émule de Peter Gabriel, ça c'est certain, parce que sa voix lui ressemble étrangement. Et il faut dire aussi que The Watch, en plus de ses compositions originales, offre des prestations de Genesis. C'est à suivre. En fait, il ne faut pas manquer ça si ça vient. Je sais qu'ils sont venus à Québec. On les a vus dans les deux versions, avec le matériel Genesis et leur propre matériel. Alors, on débute ça avec Fabio Zuffenti. Nell'alto e il presupposto consiste nella più assoluta certezza impossibile. Thank you. questo siamo qui. Si apre la porta del channel. Termina l'era del buio, scintille e lampi di luce, vita nell'abisso senza voce. Thank you. piece of painted hair and can race us to the river. To find a place where to be alone. Ears and ears meets together. The secret of a full life into sexy stands. Ruby lakes shrouded in mist. Velvet seaweeds, tiger of Venus Mountain. Light time, that place, perfection. Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de cette émission spéciale de Rock de Neurones consacrée au rock progressif italien des années 2000. Mais avant de débuter le deuxième bloc, on va faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. On avait The Watch, un groupe italien qui a 7 albums à son actif, dont le plus récent qui s'intitule justement Seven. Et on a entendu la pièce And the Winner Is, ça c'est extrait de Ghost, leur premier album qui est paru en 2001. Ça avait été précédé de La Maschera di Scera avec la pièce Ritorno dal Nulla, et ça c'est extrait de La Portée del Domani, paru en 2013. Et en début de bloc, nous avions Fabio Zuffenti et la pièce La Certezza Impossibile, et ça, ça a été extrait de La Quarta Vittima, ça paru en 2013. Alors on débute le deuxième bloc avec Nightwatch. Nightwatch, c'est le groupe qui a précédé The Watch. Alors, on retrouve plusieurs musiciens de la formation qu'on connaît aujourd'hui, dont le chanteur Simone Rossetti. Et cet album-là, le seul album paru en 1997, en fait, s'intitule The Black Cage. Il s'intitule The Twilight. Et on va entendre la pièce The Black Cage. Et ça va être suivi de Il Tempio delle Clessidre. Ça, c'est un groupe de jeunes musiciens qui a commencé en 2010 et on connaît les influences de ce groupe-là pour Museo Rosenbach et justement l'album Zarathustra qu'on a entendu un extrait la semaine passée. Et Il Tempio delle Clessidre, c'est aussi le nom d'une pièce de cet album-là. Alors, on va entendre Danza Esoterica di Dall'Utra. Et ça, c'est le premier album du groupe paru en 2010, je disais, et on a eu le privilège d'écouter, d'entendre leur plus récent opus, Il Ludere, qui est paru il y a quelques semaines. Alors, c'était le troisième album du groupe. Et on va conclure le bloc avec Panther & Company. Ça, c'est un nouveau groupe italien qui a 2 albums à son actif. Le plus récent, qui est sorti il y a 2 semaines, il s'intitule Il Giusto Equilibrio. Et on va entendre un extrait qui s'appelle La Fuga Dal et Lago. Juste rappeler que ce groupe-là a 2 albums, dont le premier est sorti en 2016 et le deuxième, comme je disais, il y a quelques semaines. Alors, on débute ça avec The Night Watch. Yeah. Thank you. We'll be right back. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, on débute le troisième bloc de cette émission spéciale consacrée au rock progressif italien contemporain. Et avant de débuter avec des Alex Carpani Band, je vais faire un petit retour sur ce qu'on a entendu avant la pause. C'était Panther and Sea et la pièce Fuga dal Lago, et c'est extrait de Il Giusto Equilibrio, paru il y a quelques semaines. Ça a été précédé de Il Tempio delle Clessidre et la pièce Danza Esoterica di Datura, et c'est extrait de l'album éponyme paru en 2010. Et en début de bloc, nous avions The Night Watch et la pièce de Black Cage. Ça, c'est extrait de Twilight, paru en 1997. Alors, on débute avec Alex Carpani Band. Alex Carpani Band, qui est un groupe avec 4 albums à son actif. Il œuvre depuis 2007. Et ce qu'on va entendre, c'est une pièce de l'album Four Destinies, paru en 2014. Et la pièce s'intitule The Silk Road. Et j'ouvre une petite parenthèse pour souligner la participation de David Jackson sur cet album-là. David Jackson, qu'on connaît pour sa participation à Van der Graaf Generator, il en était le saxophoniste. Et c'est pas un hasard si on voit Jackson avec des groupes italiens, parce qu'il faut mentionner qu'au début de sa carrière, le groupe Van der Graaf Generator a connu ses premiers succès d'estime en Italie. Et c'est là qu'il a organisé ses premières tournées. Alors, David Jackson, on l'a aussi vu avec Hosanna. Je sais de mémoire qu'il a œuvré avec deux autres groupes italiens, mais je pense qu'avec Alex Carpani Band, c'est sûrement pas le dernier qu'on va entendre de la part de David Jackson. Alors, ça va être suivi, il y a seulement deux pièces dans ce bloc-là, ça va être suivi par Mad Crayon, qui est aussi un groupe italien, avec 3 albums, dont le dernier qui est paru en 2009. Et on va entendre la pièce Il Sovrano dell'Illusione Part 2, et c'est extrait de Preda. Un petit rappel ou un petit fait à noter que début de l'émission, on entend quelquefois des paroles en anglais. C'est un peu une tendance des années 2000. Dans les années 70, c'était très rare qu'on entendait les Italiens chanter en anglais. Les seules fois qu'on les a entendus, c'est lorsqu'ils ont fait des traductions. Là, je fais allusion à Les Ormé, entre autres, et puis Il Rovestio della Medaglia avec Contamination, et PFM aussi, qui ont fait des albums traduits. Et c'était, je trouve personnellement que ça perd un peu de son cachet, mais dans le cas présent, aujourd'hui, les Italiens, je pense qu'ils veulent percer un petit peu plus le marché européen et nord-américain. Un petit fait à noter aussi, c'est que lorsque je consulte les palmarès de rock progressif britannique et du côté ici des Amériques, on voit rarement des groupes italiens. Alors, je ne sais pas s'ils sont boudés ou s'ils sont tout simplement pas connus. Mais je pense que c'est le rôle de notre émission de pallier à ça. Alors, on débute donc avec The Alex Carpani Band. Trade of spices and incense and bodies, riding sand tracks and crosses of steps, a collection of dialects and races, mixing people through old times and places, in the deserts and far lands of kingdoms, marching travelers proceeding with wisdom. Men have left here their traces for years, that the wind and the sun dry like tears. Yeah. Traces and rocks on the way. Hear the noise of the steps and the wheels. We should already go with the wind. Et la via della seta che segna il destino di chi vive regna. Tra ricchezze, miseria e speranza, tra odori, profumi ed essenze. like a thousand of grapes in the vineyard. Gleaming hands at the fighting for rights, through the crown that the young bride in white. Terreno ontale, popoli e imperi, Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici déjà rendus au quatrième et dernier bloc de l'émission spéciale destinée au rock progressif contemporain italien. Et avant la pause, nous avions le groupe Mad Crayon et la pièce Il Sovrano dell'Illusione Partout, et c'est extrait de Preda. Ça, c'est paru en 2009. Et juste avant, nous avions des Alex Carpani Band avec la participation de David Jackson et la pièce The Silk Road. Et c'est tiré de Four Destinies, paru en 2014. Alors, le quatrième bloc est consacré à trois groupes. Le premier, c'est Camellia's Garden. Camellia's Garden, dont on connaît seulement deux albums. En fait, c'est un groupe assez récent. Le premier album, c'est You Have a Chance, qui est paru en 2013. Et je vous présente un extrait de cet album-là. Ça sera suivi de Logos. Logos, qui a trois albums à son actif. Le dernier paru en 2014. Et c'est un extrait de cet album-là, L'Enigma de la Vita, que je vous propose, et on va conclure avec Grand Turismo Veloce. C'est un groupe avec un seul album paru en 2011. Alors on débute ça avec Camellia's Garden. Flowers, but she threw them out the mailbox. Rum and gin had broke up. She come waste time with him. Rum was a bumbug. He was trapped in a young body, spinning his time waiting. Jane was a bright girl. She can't waste time with him. And all the time I'm thinking about Jane, he sees the tin ring slipping from her hand. All the time I'm thinking how much silly would be if she came back to him, but he can't go. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Love started wondering. You have pruned all the withered vines and flowers down for this boss. Was no love left, and starting to miss me. And all the time I'm thinking about Jane, he sees the watercolor painting on his wall. And all the time I'm thinking how much wonders would be if she came back to him. He can't go. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Oh, oh, oh, oh. nascono e muoiono. Come creature, astri, pianeti, esseri non pensanti, e nascono e muoiono. Gli uomini, padroni, ma non assoluti del creato. La sapienza di una grande mano ha scolpito forme indescrivibili, tracciando disegni sopra deserti fatti di colori che non esistono. Ha dato vita a spenti corsi d'acqua e adesso sono diventati grandi fiori. Era nulla siamo stati generati e generiamo. Quando nacque ero solo un arbusto e vidi apparire una duna. Tutte le altre creature dell'universo, dal primo al sesto giorno. Thank you.